suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Philosopher en bande organisée, une série d'Élise Gruau réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous sépare, les idées qui se font rares, nos vies qui s'assèchent, et le plaisir de penser en groupe, d'avoir de l'inspiration ensemble ou de réfléchir en cœur en mangeant des figues. Alors pour commencer, les personnages. Un philologue qui interprète, un philosophe qui raconte, un autre qui complète, une philosophe qui déroule, un autre qui partage et une communauté. Ensuite, le décor. Athènes, un enseignement, des disciples, un jardin, une lettre, des cigales, une petite maison, les atomes, les dieux, le plaisir, la franchise, une forme de détachement et une promesse de guérison. Aujourd'hui, premier épisode, on lit du grec ancien. Une sculpture à Rome, sa copie au Louvre, un buste en marbre. Pas une, mais deux têtes, deux personnes dos à dos, deux visages. Deux barbes, deux regards, dans des directions opposées. Tu vois ce qui est derrière moi. Je vois ce que tu ne vois pas. Le maître et le disciple. Épicure et Métrodore. Les deux amis. Les deux amis. Les alter égaux. Philosopher ensemble au jardin d'Épicure. Un petit jardin, des figues, du fromage, et avec cela trois ou quatre bons amis. La photo est prise, c'est Nietzsche qui tient l'appareil. Et il note, dans Humain trop humain, ce fut là l'opulence d'Épicure. Le philosophe a pris la pose. Portrait de groupe avec barbe. Quelques mets simples pour accompagner. C'est flou, ça bouge, c'est vivant. Mais que se disent-ils tout ce groupe-là? Pourquoi philosophent-ils ensemble? Archéologues, papyrologues, historiens, historiennes et philosophes tentent de nous restituer le texte à travers les siècles. Avec nos applis et nos globiches télétransmissions, nous traversons l'espace de nos vies confinées pour leur tendre le micro. Méthénéos tis on meleto philosophein, mette geron uparcon, copiato philosophon. Que nul étant jeune ne tarde à philosopher, ni vieux ne se lasse de la philosophie. Ce buste double est très intéressant parce qu'il montre bien qu'Épicure n'était pas le maître absolu du jardin, mais que pour lui, le jardin, c'était un groupe d'amis, Métrodore symbolisant d'une certaine façon l'ensemble des compagnons d'Épicure dans cette statue. Daniel Delattre, philologue et papyrologue. Il y a l'idée d'une collaboration, d'une philosophie qui est faite ensemble, d'une doctrine qui est élaborée année par année par des compagnons. La vision qu'Épicure avait de son école, si tant est qu'on puisse parler d'école, disons de son groupe de réflexion philosophique, était vraiment quelque chose d'ouvert, où les participants pouvaient intervenir librement, donner leur avis, être éventuellement rectifiés ou encouragés à aller plus loin dans leurs pensées, etc. Et toujours avec l'idée de cette philosophie partagée. Épicure est un philosophe grec, donc de l'époque que l'on appelle hellénistique. Il est né à Samos, donc, mais ses parents étaient des colons athéniens. Alain Gigandet, professeur de philosophie antique. Bon, on dit qu'il a été maître d'école avant de faire de la philosophie. Il a donc commencé à constituer, on ne sait pas grand-chose hein, sur tout ça, vraiment, on est obligé d'en parler sous toute réserve. Il a commencé à enseigner un certain nombre d'éléments de ce qui deviendra sa doctrine. Il s'est formé aussi, il a manifestement très tôt cherché, avant de venir à Athènes, cherché à constituer des petits noyaux de disciples, tout ça fondé sur des relations amicales. Et ces amis-là, c'est ce qui font partie un peu du premier cercle, ils resteront toujours là, très très proches d'Épicure, et donc tout ça sera très précieux pour Épicure lorsqu'il va venir à Athènes. Ça, c'est la toute fin du IVe siècle, hein, c'est vers 304-305, il faut compter à l'envers, hein, on est à moins que quelque chose. Et donc à cette époque-là, Épicure vient s'installer à Athènes, manifestement dans le but de fonder une école philosophique, parce que c'est le lieu légitime pour le faire, hein, c'est là où se trouve déjà l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, etc. Et il va donc fonder cette école dans, c'est un détail intéressant, sur un terrain, un jardin, qu'il achète dans la banlieue d'Athènes pour y réunir ses amis. Bon, c'est un point qui va au-delà de l'anecdote, parce que dans l'esprit d'Épicure, la philosophie, ça n'est pas simplement une création conceptuelle, une méditation, je dirais même des pratiques qui ont pour but de changer sa vie et de la rendre plus heureuse. C'est aussi un projet collectif. Faire de la philosophie, c'est vivre ensemble. Et le jardin est là pour accueillir les amis et, ma foi, y fonder une vie commune. Le jardin d'Épicure était situé en proche périphérie d'Athènes. Pierre-Marie Morel, professeur de philosophie antique. Pas complètement au centre, pas complètement à côté de l'agora, comme là où sera située par exemple l'école des stoïciens. Donc c'est un endroit intermédiaire en quelque sorte du point de vue géographique. Et en tout cas, c'est un endroit où Épicure se montre très accueillant. Il paraît que sa maison n'était pas assez grande pour contenir tous ses amis. C'est un endroit de grande circulation des proches, en tout cas, de sa communauté. Quand on dit le jardin, est-ce que c'était parce qu'il était vraiment à ciel ouvert, en plein air ? Alors non, on pense que c'est le nom que portait l'endroit où il exerçait, mais bon, dans la mesure où il n'était pas au cœur même d'Athènes, effectivement, ça devait être en partie à ciel ouvert. On sait qu'il y avait une petite maison, il y avait des fêtes nocturnes, donc on devait y passer un certain temps, mais disons que c'était en tout cas un lieu de rencontre et de vie pour certains membres de la communauté. L'exercice de la philosophie se passe forcément en collectif, mais pourquoi ? Eh bien, bon, il y avait déjà, avant Épicure, plusieurs traditions de réflexion aux conditions collectives de l'exercice de la philosophie. On peut penser aussi, pour parler de choses plus connues, à la manière dont Platon conçoit la philosophie comme un dialogue, comme un échange. On a tous en tête l'image de Socrate sur l'agora d'Athènes, qui va poser des questions dérangeantes aux jeunes gens pour les aider à accoucher de la vérité. Donc Épicure vient dans un contexte historique, culturel et intellectuel où la pratique collective de la philosophie est en quelque sorte devenue naturelle. Ce qui est nouveau chez lui, c'est que l'idée de l'amitié va constituer un véritable motif central. L'amitié telle qu'Épicure la conçoit, c'est la condition même de la philosophie parce qu'on ne pense pas tout seul. On philosophe nécessairement à plusieurs. Philosopher à plusieurs, ce n'est pas simplement échanger des arguments, c'est avoir une véritable communauté de vie autour d'un maître, en l'occurrence Épicure lui-même, et c'est cette communauté de vie qui va contribuer à la fois à la manifestation de la vérité en philosophie et au bien-être de l'âme, parce que ce que l'on recherche avant tout, c'est le bonheur. et le bonheur, ça ne se réalise pas tout seul, ça se réalise à plusieurs. Maxime Capital, 27. De tout ce que la sagesse procure en vue du bonheur de la vie tout entière, le plus important de très loin, c'est la possession de l'amitié. La communauté est importante pour deux raisons principales. D'abord, pour une raison quasiment scolaire, parce que c'est le lieu idéal d'apprentissage et de pratique de la doctrine épicurienne. Julie Giovacchini, ingénieure de recherche au CNRS. Les épicuriens ont une pratique philosophique qui consiste principalement à assimiler la parole d'Épicure, à la comprendre, à l'interpréter dans une ligne strictement orthodoxe. Et la communauté des amis, c'est le lieu idéal pour cela, où vous allez avoir des maîtres, des personnes qui sont aguerries et qui connaissent bien la pensée d'Épicure et qui vont l'expliquer à des élèves pour les rendre les plus sages possibles et les plus techniquement informés du détail de la pensée d'Épicure. Quand vous dites les membres de l'école sont là pour apprendre la doctrine énoncée par Épicure, est-ce qu'on philosophe ensemble aussi pour produire des idées ? Pas véritablement. L'épicurisme, c'est une philosophie qui, dès le début, une doctrine qui est présentée par ses tenants comme une doctrine fermée. Épicure a tout dit, il a tout proposé et il suffit de comprendre les textes d'Épicure et de les mémoriser pour maîtriser l'alpha et l'oméga de la pensée épicurienne. Mais pour autant, vu que justement c'est une doctrine qui a une histoire longue et une école qui a une histoire longue, cette doctrine a été amplifiée au cours des années, améliorée, mais jamais véritablement modifiée. Comment se fait-il qu'Épicure ait pu considérer avec ses disciples qu'il avait tout pensé ? C'est même pas tant qu'Épicure aurait tout pensé, c'est que la pensée d'Épicure se suffit. Parce que la philosophie épicurienne n'est pas une recherche du savoir pour lui-même, justement. Vous n'avez absolument pas chez les épicuriens cette idée que le savoir est bon en soi et que augmenter sans cesse l'ampleur de la science, l'ampleur des connaissances, c'est une fin souhaitable pour l'humanité et c'est ce qu'il convient pour la vie heureuse. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que le principe de la pensée épicurienne, c'est la vie heureuse. La philosophie ne sert à rien si elle n'apporte pas le bonheur. Épicouros, Ménoïkei, Kairen. Épicure à Ménécée, salut. Qu'on ne remette pas à plus tard, parce qu'on est jeune, la pratique de la philosophie et qu'on ne se lasse pas de philosopher quand on est trop vieux. En effet, il n'est pour personne, ni trop tôt ni trop tard, lorsqu'il s'agit de veiller à la santé de son âme. D'ailleurs, celui qui dit que le moment de philosopher n'est pas encore venu, ou que ce moment est passé, ressemble à celui qui dit, s'agissant du bonheur, que son moment n'est pas encore venu ou qu'il n'est plus. Aussi le jeune homme doit-il, comme le vieillard, philosopher. De la sorte, le second, tout en vieillissant, rajeunira grâce au bien du passé, parce qu'il leur vouera de la gratitude, et le premier sera dans le même temps jeune et fort avancé en âge, parce qu'il ne craindra pas l'avenir. Il faut donc faire de ce qui produit le bonheur l'objet de ses soins. Tant il est vrai que lorsqu'il est présent, nous avons tout, et que quand il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. La lettre à Ménécée est une lettre sur l'éthique, qui est fondamentale pour les épicuriens parce que le but de la philosophie, c'est le bien vivre, c'est la vie heureuse. Et les secrets Épicure les expose dans ce résumé qu'est la lettre à Ménécée. C'est un résumé. Francis Wolff, professeur de philosophie antique. Le plus court résumé que nous ayons, c'est ce qu'on appelle le tétrapharmakos. C'est le remède en quatre parties, si je puis dire. Alors le tétrapharmakos nous donne un quadruple remède aux quatre mots principaux qui sont ceux qui accablent l'humanité. la peur des châtiments divins, la peur de la mort, la peur de la douleur, et quatrièmement, eh bien, la crainte de ne jamais être bien, de ne jamais atteindre le bien, de ne jamais pouvoir atteindre le bonheur. Tétrapharmakos, c'est quatre formules lapidaires qui disent 1. Que l'être bienheureux immortel, autrement dit le Dieu, ne se soucie pas de nous. 2. Que la mort n'est rien pour nous. Troisièmement, que le bien est facile à se procurer. Et quatrièmement, que la douleur est facile à dominer. C'est la substantifique moelle de l'éthique épicurienne. Il y a une doctrine aussi d'Épicure qui... Oui, là, le tétrapharmakos est le premier pas, parce que probablement, quand on rentre dans le jardin, c'est qu'on se sent mal, qu'on cherche une guérison. On a peut-être été dans d'autres écoles avant, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est entre la philosophie, le développement personnel, la psychologie, c'est un peu tout ça. Il y a des fêtes... caractère quasi religieux ou spirituel pour fêter tel ou tel anniversaire du maître, etc. C'est une conversion. Il y a une espèce de conversion, alors évidemment, en lui ôtant toute forme de religiosité, mais c'est une conversion à une... c'est une techné tout bio en grec, c'est-à-dire une technique de vivre. Il faut réapprendre à vivre. Et pour cela, il faut tout oublier, commencer à vivre d'une autre façon. Ça va avec une façon de se nourrir, une façon de parler aux amis, une façon de s'adresser aux autres, un certain type de vie communautaire. Bref, mais le tétrapharmakos, c'est-à-dire le cadre remède, est la porte d'entrée dans l'éthique, parce que très probablement, si on rentre dans le jardin, c'est pour des raisons éthiques, c'est-à-dire parce qu'on veut acquérir la félicité, le bien-vivre, la sagesse. Mais on s'aperçoit rapidement que l'éthique n'est pas autosuffisante. C'est-à-dire que l'éthique, elle a des bases. Et cette base, c'est la physique. C'est-à-dire que si je ne sais pas que tout est atome et vide, eh bien je ne serai jamais tranquille, parce que j'aurai toujours peur qu'il y ait des incursions des dieux, ou j'aurai toujours peur qu'il subsiste quelque chose de mon âme après la mort, que je serai châtié, que je... Voilà. L'éthique, au fond, et l'assimilation de l'éthique, n'est qu'un premier degré. Et à la fin, je dois assimiler totalement la physique elle-même, parce que la physique est, en quelque sorte, la clé de la sagesse définitive, puisqu'elle est ce sur quoi va être fondée l'éthique. On a, avec Épicure et ses compagnons qui philosophaient ensemble, hein, sum philosophein, dans le jardin attenant à la petite maison d'Épicure à Athènes, ils cherchaient avant tout à libérer l'humanité des peurs fondamentales qui gâchent la vie des hommes. Et pour cela, il va développer cette connaissance de la nature, cette physiologie, pour dire les choses en français, dont la lettre à Hérodote et la lettre à Pythoclès sont les deux piliers, si vous voulez. Il se sert de cette connaissance de la nature pour expliquer que tout ce qui nous entoure, tous les phénomènes qui nous entourent, y compris les phénomènes les plus effrayants, sont des phénomènes purement mécaniques, un jeu d'atomes et de vide, et que ces explications excluent que les dieux interviennent dans notre monde. Nous sommes libres dans notre monde. Les dieux n'ont rien à faire dans ce monde. Ils sont dans des intermondes, tout entiers occupés de leur béatitude, et ils ne vont surtout pas faire du souci à gérer l'humanité qui est ingérable, comme tout le monde le sait. Épicouros, Pythoclès, Kairin. enenke moi kleon epistolen parasou, en e philofrunemos te peri emas geteleis axios, tes emeteras peri seoton spoudes. Épicure à Pitoclès, salut. Cléon m'a rapporté une lettre de toi, dans laquelle tu demeures en amitié avec nous, juste retour de notre intérêt pour toi. Tu essaies, non sans succès, de te rappeler les raisonnements qui tendent à la vie heureuse, et enfin tu me demandes de t'envoyer, au sujet des météores, un exposé concis et récapitulatif, afin de t'en souvenir facilement. Épicure appartient à une tradition qui avait été ouverte par Démocrite, c'est la tradition de l'atomisme. Et Épicure se situe dans le cadre de ce qu'on appellerait plus volontiers aujourd'hui les philosophies matérialistes. Et son matérialisme atomiste consiste à dire que tout en réalité est constitué de petites particules insécables qu'Épicure appelle les atomes. Donc il est fondamentalement atomiste, ce qui a pour conséquence le fait que, selon lui, nous vivons dans une nature qui n'est pas créée par quelconque intelligence divine, une quelconque puissance divine. C'est une nature incréée, éternelle, qui n'a pas d'ordre par elle-même, qui n'est pas animée par un dessein providentiel ou par des structures initialement constituées. C'est d'abord une nature du désordre atomique. Donc nous vivons dans un monde qui n'a pas de sens à proprement parler, qui ne nous propose pas de modèle réfléchi, qui ne nous indique pas de destination, et nous devons nous adapter à vivre dans un monde qui est au fond ce que nous en faisons, c'est-à-dire que c'est à nous de définir nos propres modèles d'existence, puisque la nature hors de nous, l'univers, ne nous en propose aucun. Et que fait Épicure des émotions que provoquent les phénomènes ? Parce qu'il met en avant la connaissance et la compréhension de leurs causes, et dans un système entièrement mécaniste, mais même si on comprend, il n'empêche que ces phénomènes peuvent provoquer de l'émotion chez les humains. Il faut que chacun de nous réussisse à atteindre l'absence de trouble. C'est ce que veut dire le mot grec « ataraxia », « ataraxie ». L'absence de trouble. Parce que si on ne vit pas dans l'absence de trouble, eh bien, notre vie ne peut être qu'entièrement perturbée et notre accès au bonheur est absolument impossible. Donc, la conquête de l'ataraxie se fait par le biais d'une connaissance extrêmement solide des phénomènes naturels, et donc quelque chose de tout à fait cohérent. Mais cette ataraxie, cette quête de ne plus être troublé par aucun événement, par aucun phénomène qui nous arrive, comment ça fonctionne ? Parce qu'il ne suffit pas de le décider. Non, vous avez raison. Il est très intéressant de montrer, par exemple, je travaille à une nouvelle édition du texte de Philodème sur la mort, il est très intéressant de constater qu'il existe pour le sage lui-même, donc celui qui a atteint l'ataraxie, qui a une très bonne connaissance du fonctionnement de la nature, même pour le sage tel qu'Épicure pouvait l'être, eh bien, certaines pensées de la mort peuvent nous piquer, peuvent nous mordre. Ce sont les mots que Philodème utilise, hein, la piqûre ou la morsure. Mais le sage a atteint et dépassé le niveau de l'ataraxie, et même si, en tant qu'homme, il est amené à certains moments à se sentir mordu, il sait que c'est une morsure naturelle qui est liée aux limites propres à l'humanité. L'humanité, elle est destinée à mourir. Donc, il y a une limite qui est posée dès notre naissance. Ce qu'il faut, c'est connaître nos limites humaines sans chercher à les outrepasser. ceux qui recherchent l'immortalité, ceux qui voudraient ne jamais mourir, etc., sont des gens qui n'ont rien compris à ce qu'est un homme, qui ne connaissent pas les limites de l'humanité, et du même coup, qui ne seront jamais heureux, qui n'atteindront jamais à l'absence de troubles, puisque l'ignorance de la condition humaine fait qu'ils ont des désirs qui sont complètement vains et inassouvissables. Les épicuriens savent que l'homme est limité et ils veulent absolument aider les hommes à connaître leurs limites pour pouvoir avoir une chance d'être heureux dans leur vie. Dans la doctrine épicurienne, la philosophie est un système dont la physique est le fondement, mais au service d'autre chose que la physique. Tout ça, ça ne se suffit pas, tout ça, ça ne résume pas la philosophie. Ce qui donne son sens, son poids au système, c'est, comme disent les Grecs, le télos, c'est-à-dire la fin, dans les deux sens du terme, le but et ce qui termine l'entreprise, si vous voulez, c'est-à-dire l'éthique. Autrement dit, la vérité, bien sûr, mais la vérité en tant qu'elle est utile. Utile à quoi ? Ben, à vivre mieux. Et je dirais même, car là, on touche très grande ambition de l'épicurisme, mais qui lui est commune, par exemple avec l'idéal stoïcien ou d'autres idéaux de cette époque-là, non seulement à vivre mieux, non seulement à vivre bien, mais à vivre parfaitement bien. Ce que Épicure nous promet, c'est un bonheur parfait. Or, ce bonheur parfait, parmi ses composantes, il en comporte une dont l'importance est attestée par tous les fragments que nous avons gardés d'Épicure. C'est par hasard, on a des fragments, et comme par hasard, il parle très très souvent de ça, c'est l'amitié. L'amitié est une composante indispensable du bonheur. De Sénèque, lettre 19. Épicure dit qu'il est plus important de considérer avec qui l'on mange et l'on boit que ce que l'on mange et l'on boit. Car manger de la viande sans la compagnie d'un ami, c'est une vie de lion ou de loup. La sagesse que les épicuriens, qu'Épicure, si vous voulez, prône, et ça c'est la grande originalité de l'école et c'est ce qui lui a valu tant de critiques, elle est orientée autour de ce qui motive, de ce qui pousse tout comportement d'un être vivant, quel qu'il soit, tout ce qui constitue sa raison fondamentale d'agir, c'est-à-dire la recherche du plaisir. Épicure, lui, va prendre une position tranchée. Le bonheur, c'est le plaisir, et ça n'est rien d'autre que le plaisir. Au départ, il en a une conception, je dirais, extrêmement intuitive. Pour savoir ce que c'est que le plaisir, il n'y a rien de mieux, dit Épicure, que de se rapporter à notre expérience. Et de ce point de vue-là, regardez les enfants, regardez les animaux, bon, ils vont droit à ce qui est agréable et ils repoussent du mieux qu'ils peuvent ce qui est désagréable et ce qui est source de douleur ou de souffrance. On part de quelque chose de très élémentaire. Après, ça va se compliquer dans la mesure où l'expérience aussi nous apprend que tous les plaisirs ne sont pas bons. Bien sûr, le plaisir, tout plaisir, reste le bien, mais il va falloir distinguer entre différentes sortes de plaisirs, d'une part, et deuxièmement, il va falloir construire une sorte de stratégie qui nous permette justement de stabiliser le plaisir. Épicure, au fond, il nous dit, notre nature, elle nous apprend que, au fond, qu'est-ce que c'est qu'obtenir un plaisir ? C'est satisfaire un besoin ou un désir ? Or, en ce qui concerne les besoins et la satisfaction, dès que le besoin est comblé, dit Épicure, nous sommes à un niveau de plaisir maximum. Si j'ai très soif, je bois, et quand, au moment où ma soif est éteinte, j'ai obtenu le plaisir le plus grand que je puisse avoir dans ce processus. Après, je peux continuer à boire un peu plus, je peux échanger mon verre d'eau contre un verre de bière, etc. Ça va diversifier les plaisirs, mais ça ne va pas l'augmenter. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de besoins ou de désirs que nous éprouvons et pour lesquels nous n'atteignons jamais la satisfaction que nous recherchons. Par exemple, quelqu'un qui cherche à être riche, il n'est jamais... La richesse, ça n'existe pas, au sens où on n'est jamais assez riche. Quelqu'un qui recherche le pouvoir, il ne sera jamais satisfait parce qu'il y a toujours un pouvoir supérieur, en tout cas dans son imagination, à celui qui, dont il joue effectivement, etc. Donc, tout ça, Épicure, il faut d'abord commencer. Si on veut jouir d'un plaisir pur, il faut commencer par rectifier nos opinions et par là même nos comportements sur tout un ensemble de désirs, si vous voulez, etc., qui sont en réalité vides, vides d'objets. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout un processus d'épuration à faire. Le point essentiel, c'est que, au fond, la plus grande satisfaction s'éprouve dans la plus grande sobriété. Autrement dit, il y a une réflexion sur la richesse chez Épicure qui est magnifique. Il dit, qui est riche? Est-ce que c'est celui qui entasse ou c'est celui qui soustrait? Le plus riche, c'est celui qui soustrait. Parce que de l'essentiel, du nécessaire, il n'y a jamais disette. C'est une discipline qui est remarquable. On ne renonce jamais au plaisir. Mais simplement... On change de type de plaisir. Même pas, parce que, au fond, si vous êtes invité... Voilà, le summum de la sagesse épicurienne, pour moi, il est là. Si vous êtes invité chez Platon, Platon qui était un riche aristocrate, si vous êtes invité à la table de Platon, aujourd'hui, et qu'il y a du poisson, c'était le nec plus ultra, hein, pour les Grecs et les Romains, qu'il y a du poisson et de magnifiques... mais vous allez goûter tous ces mets délicieux, vous allez en profiter. Mais, la condition... C'est que vous êtes dans une disposition, en vous faisant plaisir, vous êtes dans une disposition telle que si demain, vous avez un morceau de pain et de l'eau, c'est pareil. Et puis évidemment, il n'y a pas que les plaisirs de manger, de boire, etc. Il y a aussi les plus grands plaisirs qui s'atteignent, justement, dans la jouissance de la vérité et dans la jouissance de l'émulation entre amis pour parfaire notre vie, pour nous améliorer... Et ce plaisir, le plaisir que nous procure l'amitié, il est intrinsèque à la relation. Les choses ne peuvent pas être plus claires. Le concept de l'amitié ancien, en général, et épicurien en particulier, est quand même présent des différences assez considérables avec ce que nous entendons nous, aujourd'hui par amitié. Alors, évidemment, la communauté du jardin est fondamentale. Il y a à l'intérieur de cette communauté aussi tout un projet qu'on pourrait appeler psychagogique, donc de transformation des esprits, si vous voulez, hein, de modification des processus mentaux, etc. Et pédagogique, puisqu'on accueille les jeunes générations, etc. Et on met en place tout un système, on appellerait ça un cursus aujourd'hui, d'apprentissage de la philosophie épicurienne avec des étapes, on distingue manifestement des débutants, des avancés. Et il y a même, alors je précise aussi que la communauté est extrêmement ouverte, puisque c'est une des très rares écoles philosophiques à accueillir les femmes. On connaît des noms de plusieurs disciples féminins, donc d'Épicure, qui fréquentent le jardin. Et dans ce cursus, il y a une sorte de discipline qui est tout à fait intéressante. C'est la parésia. On pratique la parésia dans l'école épicurienne de façon méthodique. Il y a même un traité qui s'appelle Périparésias, donc le traité de... Alors, comment traduire? Du franc-parler. C'est difficile à traduire, parésia. Hein. C'est le libre-parler, le franc-parler. Voilà, c'est-à-dire se dire ce qu'on pense. C'est l'idée qu'à l'intérieur du jardin, on peut tout dire de son état. On peut tout dire au maître et le maître engage le disciple ou les moins avancés à tout dire de leur état, de leurs hésitations, de leurs doutes, etc. C'est une critique en même temps de la rhétorique chez les épicuriens. La rhétorique, c'est bon pour la cité où il faut persuader les autres. Là, c'est tout à fait l'inverse. C'est que c'est une libre parole qui dédaigne toute forme de rhétorique, toute forme d'enjolivement et qui est fondée sur le fait que on peut tout dire aux amis. On doit même tout dire aux amis. J'allais dire on doit, on se rapprocherait plutôt de quelque chose qui ressemble à la règle fondamentale chez le psychanalyste, où on doit dire tout ce qui passe par l'esprit. Oui, il y a quelque chose quand même dans l'épicurisme qui engage le disciple à une totale franchise pour se libérer de tous ses préjugés, de tout ce qui l'encombre, en particulier de la païdéia, c'est-à-dire de l'éducation qu'il a reçue. Voilà encore un des autres instruments de la guérison, en tout cas à l'intérieur du jardin. Quand on exerce la parésia, de quoi on parle ? On parle de soi, de son comportement, de sa difficulté à intérioriser certains principes, à pratiquer, à être fidèle à son idéal, aux tentations auxquelles on n'a pas su résister, enfin, toutes choses, vous voyez, qui... Alors, on a des traces de ça dans des conseils qu'Épicure donne dans des lettres. On a quelques fragments de lettres, par exemple, sur le mariage et les enfants. C'est intéressant aussi. Apparemment, si on veut le faire, on peut le faire, apparemment. Oui, avoir des enfants, pourquoi pas, mais enfin... Ça n'a rien d'une obligation. C'est quand même quelque chose qui bouscule les pratiques culturelles, traditionnelles, sociales de l'homme grec de culture traditionnelle quand même. Dans ce projet commun de vivre éthiquement, si vous voulez, selon les principe éthique d'Épicure, c'est-à-dire ce qu'Épicure appelle l'obtention d'un plaisir pur, la parésia manifestement joue un rôle pédagogique. Ça permet aux progressants de progresser. Et puis, manifestement, même, j'ai envie de dire entre égaux, c'est tout à fait important pour maintenir l'amitié. Pour les épicuriens, il n'y a pas d'amitié authentique, véritable, entre sages, sans ce qu'on appellerait aujourd'hui une transparence complète. On vit ensemble et on partage intimement non seulement sa vie, ses actes, etc., mais ses pensées. La parésia, par ailleurs, a toute une histoire non épicurienne, si vous voulez, qui précède l'école épicurienne et qui va aussi essaimer ailleurs. Et là, Foucault a fait des études approfondies là-dessus. Tout ça est une affaire importante dans la culture grecque. Mais il est à noter que les épicuriens sont une source tout à fait remarquable pour cette étude de la parésia, et avec certainement une pratique bien à eux. Pour nous aujourd'hui, l'amitié, au fond, c'est quand même essentiellement un rapport affectif, disons. C'est une relation élective, on se choisit dans l'amitié, qui rapproche d'ailleurs avec tout un ensemble de déterminations qui rapproche l'amitié de l'amour, hein, il y a des points de contact, et aussi avec un ensemble de déterminations qui distinguent cette relation de la relation amoureuse. Mais c'est pas comme ça qu'il faut aborder la question de l'amitié quand on parle de l'Antiquité en général et de l'épicurisme en particulier. Voilà. La grande différence, c'est que pour les anciens, l'amitié, c'est une relation éthique. C'est une relation qui fait sens et prend sens par rapport à un idéal de vie. L'amitié, au fond, c'est un idéal de vie partagé, une relation dans laquelle on recherche quelque chose en commun. On cherche à accomplir quelque chose en commun. On cherche à accomplir ce que les Grecs appellent l'idéal du kalos kagathos, c'est-à-dire du bien et beau. On cherche, si vous voulez, à accomplir vertueusement notre nature. Ça veut dire pratiquer un ensemble de vertus telles que la justice, la prudence, le courage, la parésia, la sincérité, etc. C'est-à-dire, justement, une amitié qui nous accomplit, que doit être l'idéal d'amitié en tant qu'être humain et en tant qu'être humain social. L'école d'Épicure n'est pas installée au centre. Qu'est-ce que c'est le centre ? C'est l'agora, c'est-à-dire c'est la place publique. Et c'est là où se débattent les affaires de la cité. Épicure comprend, d'après les fragments qu'on a, comprend le noyau dur de la cité. Au fond, il est, dirons-nous, juridique. C'est-à-dire la cité, c'est les lois, très grec. La cité, ce sont les lois. Et quand même, les lois nous garantissent contre un certain nombre d'inconvénients de la vie collective. Donc elles ont une utilité positive. Donc il faut la communauté sous la garantie des lois, mais c'est de toute évidence dans la communauté des amis épicuriens que va se construire véritablement et s'atteindre cet idéal de vie. Alors, ça leur a été reproché, juste un petit mot. Par exemple, dans Plutarque, Plutarque ironise sur le fait que les épicuriens disent « Bon, très bien, bien content d'avoir le parapluie de l'État, des lois etc., et de la police de la cité, au sens général du terme police, si vous voulez, et de dire, mais oui, mais par ailleurs, je ne veux pas perdre mon temps à m'impliquer comme citoyen et à participer à ça. Oui, ça, effectivement, il prête le flanc à ce type de critique. Les épicuriens considèrent que la vie publique est une vie dangereuse et que la société, c'est le lieu dans lequel, justement, on n'est pas que avec ses amis. La société, c'est d'abord le lieu dans lequel on doit cohabiter, y compris avec des individus hostiles. Pour cette raison, on n'est jamais vraiment en sécurité dans la société. Le seul lieu de vraie sécurité, c'est la communauté des amis. Mais comme on ne peut pas rester en permanence uniquement dans son jardin enfermé avec ses amis, qu'il faut bien sortir, qu'il faut bien vivre en société, on va avoir besoin de la philosophie comme d'une forme de bouclier pour garantir les conditions de la vie heureuse, y compris en environnement hostile. Et si on pousse les idées épicuriennes jusqu'à leur extrême limite, l'hypothèse des épicuriens, c'est que le sage, celui qui est armé par la pensée d'Épicure, même torturé, même en prison, même condamné à mort, sera toujours heureux parce qu'il aura avec lui le viatique de la philosophie épicurienne. Si j'ai ces quatre éléments en tête en permanence, si je les ai compris en profondeur, il ne peut a priori rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber malade, je ne vais pas être blessé, je ne vais pas être injustement accusé, je ne vais pas devenir pauvre, etc., etc. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que je peux faire face. C'est que rien ne peut m'atteindre parce que j'ai éliminé toutes les vraies raisons d'angoisse. Épicure invite ses disciples à vivre cachés. C'est une des maximes qu'on retrouve souvent mise en avant. Mais en même temps, ce retrait, est-ce qu'il veut dire solitaire? Est-ce qu'il veut dire individualiste? Alors, vivre caché, ça veut surtout dire vivre à bonne distance de la foule, à bonne distance des activités politiques, ne pas se soucier de briguer des charges politiques, ne pas faire de politique à proprement parler, c'est aussi un mot épicurien qui est resté, le sage ne fera pas de politique. Donc vivre caché, ça veut dire cela, mais ça ne veut pas, pour les épicuriens, ça ne veut pas dire vivre en ermite solitaire, puisque précisément il s'agit de se replier dans une sphère qui n'est pas celle de la cité, mais qui est aussi une sphère de sociabilité, mais d'une sociabilité restreinte par opposition à celle de la cité, celle des assemblées, celle des affaires. Donc il s'agit de se resserrer autour du maître dans la communauté des amis. Vivre caché, c'est d'abord cela que ça veut dire. Est-ce que le fait de vivre dans une communauté à l'écart de la ville, est-ce que c'est un philosopher entre soi ou est-ce qu'il y a aussi une volonté d'étendre au plus grand nombre leurs idées sur ce qu'est la vie bonne et ce que la philosophie peut apporter aux humains? C'est le grand paradoxe de la pensée épicurienne, ça. Parce que d'un côté, on a effectivement une vie philosophique qui est quand même assez cloisonnée, qui donne l'image extérieure d'un entre-soi. Et beaucoup de commentateurs, y compris très anciens, se sont moqués dès le début de cet aspect un peu de cénacle des jardins épicuriens. Et effectivement, ça offre un abord vraiment fermé. Mais pourtant, c'est une constante dans la pensée des épicuriens depuis Épicure lui-même jusqu'aux avatars les plus tardifs que l'épicurisme est une philosophie qui s'adresse à toute l'humanité et qui a pour vocation de sauver l'humanité de l'angoisse, de la superstition, de la souffrance et que tout homme, en théorie, en droit, doit pouvoir accéder à la pensée d'Épicure et doit pouvoir se l'approprier et l'assimiler. Alors, maintenant, est-ce que c'est un enfermement? Est-ce que cette communauté philosophique est un enfermement? Non, pas exactement. Je crois que les épicuriens ont conscience de représenter un modèle alternatif de sociabilité. Et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, leur recrutement, entre guillemets, est large. Il s'adresse quand même à beaucoup de catégories, et dont un certain nombre de catégories étaient exclues même, hein, d'une certaine façon, de la société aussi grecque, hein, comme les femmes, les esclaves, etc. Alors, d'abord, ils entretiennent des rapports, les épicuriens du jardin athénien, ils entretiennent des rapports avec d'autres communautés épicuriennes. On échange des lettres, on fait des voyages, toujours dans le cadre de l'amitié. On reste étroitement en contact et on se parle de philosophie. Où est-ce que t'en es, etc. Je suis malade, je souffre, mais enfin, grâce à toi, je me souviens du plaisir que nous avions d'être ensemble, et ça me permet de ne plus sentir ma douleur, enfin des choses très belles qui sont dites. Il semblerait que, peut-être progressivement, peut-être sous l'influence romaine de l'Empire romain, il y ait eu, chez certains épicuriens, une certaine conscience cosmopolitique qui se soit formée. C'est-à-dire qu'au fond, ce lien très particulier créé entre disciples d'Épicure et vocation petit à petit à s'élargir, pas à l'ensemble de l'humanité, mais en tout cas à une partie significative de l'humanité. Il y a une célèbre sentence d'Épicure qui dit que l'amitié mène une ronde tout autour du monde. Sentence Vatican 52. L'amitié danse autour du monde. Nous ordonnons à tous, comme un héros, de nous éveiller à ce qui fait notre béatitude. On a un exemple célèbre de cette ouverture sur la communauté humaine. C'est l'inscription murale de Nanda, Diogène de Nanda, qui est un personnage dont on ne sait pas grand-chose, à part que probablement il avait une fortune personnelle considérable, a fait ériger, donc dans la ville de Nanda, un mur, enfin ce qu'on appelle un mur, mais qui en réalité est plutôt une colonnade, un portique d'une dimension considérable, plusieurs dizaines de mètres, sur lequel il a fait graver la totalité de la doctrine épicurienne. Et cette inscription de Nanda, dès les premiers fragments retrouvés et déchiffrés, on voit qu'elle se présente comme une tentative de diffuser l'épicurisme au plus grand nombre possible, avec l'idée que tous ceux qui vont passer sous cette colonnade, qui vont lire cette inscription gigantesque, vont pouvoir ainsi avoir accès directement à la pensée d'Épicure. Alors, peut-être qu'il est quand même intéressant de relire cet extraordinaire texte dans lequel Diogène, s'adressant au lecteur de cette inscription, justifie son entreprise. Je cherche le bon passage. Oui, voilà, et là c'est le deuxième fragment. Voyant que la plupart des hommes souffrent de la fausse opinion qu'ils se font des choses, et sont sourds aux récriminations importantes et justes que le corps adresse à l'âme, à savoir qu'à cause d'elle, il est de manière injustifiée, tourmenté, accablé, et entraîné vers des choses qui ne sont pas nécessaires. En effet, ce que recherche le corps, ce sont de petites choses faciles à acquérir, ce qui permet à l'âme, quand elle en jouit, elle aussi, d'avoir une vie belle. Tandis que ce que l'âme recherche, ce sont de grandes choses, difficiles à acquérir, et qui, outre le fait qu'elles ne sont d'aucune utilité à notre nature, sont de plus source de danger. Les voyant donc ainsi disposées, car je vais reprendre de nouveau, je me suis lamenté sur la vie qu'ils mènent, et j'ai pleuré sur le temps qu'ils ont gâché. Mais j'ai pensé qu'un homme bon se devait, autant que j'en suis capable, de porter secours par l'intermédiaire de cette inscription à ceux d'entre eux qui sont d'heureuses compositions. Pour confirmer cette impression d'une entreprise philanthropique qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité en se proposant de la faire profiter de tous les bénéfices de la sagesse épicurienne. Donc on a cette justification par Diogène lui-même de son entreprise. Inscription murale épicurienne de Diogène de Nanda, fragment 1. Parvenu maintenant au crépuscule de ma vie du fait de la vieillesse, mais pas encore au moment où l'on est sur le point de quitter l'existence, j'ai voulu, afin de ne pas être devancé par la mort, porter secours sans plus tarder à ceux qui sont d'heureuses compositions. Si donc il y en avait un ou seulement deux, ou trois ou quatre, ou cinq ou six, ou autant que tu veux en plus, cher homme, qui soient dans de mauvaises dispositions, même s'il fallait alors un par un les convoquer tous, je ferai ce qui est en mon pouvoir pour leur donner le meilleur conseil. Toutefois, puisque la plupart sont collectivement malades, comme en temps de peste, de l'opinion fausse à propos des réalités, et puisqu'ils deviennent de plus en plus nombreux, car du fait de leur réalité mutuelle, l'un attrape la maladie de l'autre, comme les moutons, il est également juste de porter secours à ceux qui viendront après nous. Car ceux-là sont aussi des nôtres, même s'ils ne sont pas encore nés. En outre, il revient assurément à quelqu'un qui a le sens de l'humanité de secourir les étrangers qui sont venus chez nous. Puisque donc les secours qu'apporte mon traité intéressent le plus grand nombre, j'ai voulu, en me servant de ce portique, offrir à tous les regards les remèdes propices au salut. Remèdes dont nous avons nous-mêmes fait l'expérience. Car nous nous sommes affranchis des craintes qui nous étreignaient sans raison, et avons totalement extirpé celles des peines qui sont sans fondement, et considérablement réduit celles qui sont naturelles, les réduisant à une dimension infime. La souffrance morale des hommes est une épidémie qu'on se transmet aussi socialement. Mais voyez, ça touche justement au fait que nos désirs passionnés, enfin tout ce qui nous entraîne vers, au fond, des angoisses et des souffrances, sont grandement dus à l'éducation, à la contagion sociale. Hein. On implante en nous l'ambition, on implante en nous la soif de l'argent, des richesses, les désirs de séduction, enfin, etc., etc. Donc déjà, le mal est identifié. D'où ce modèle thérapeutique de la philosophie. La philosophie doit soigner les âmes comme la médecine soigne les corps, et il fait allusion au remède, à une pharmacopée. Et le fait aussi que, d'une certaine façon, comme la médecine, cette pharmacopée, elle a vocation, au fond, philanthropique à guérir l'humanité, y compris les générations qui sont à venir. C'est tout à fait remarquable. C'était Philosopher en bande au Jardin d'Épicure, avec Daniel Delattre, Francis Wolff, Pierre-Marie Morel, Julie Giovacchini et Alain Gigandet. Lecture par Hélène Losseur. Merci à Francis Wolff d'avoir lu les textes d'Épicure en grec. Les extraits d'Épicure et de Diogène d'Onanda sont tirés du volume « Les Épicuriens dans la Pléiade », dans les traductions de Pierre-Marie Morel et Daniel Delattre. Prise de son Yves Lehors, Cédric Châtelut, Bernard Laniel. Mixage Claude Nior. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Diffy Mariani. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Athènes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, Twitter et même Instagram.